Et ça veut dire, dans un contexte moderne, que ceux qui sont sains dans l'esprit, qui n'ont pas l'impression d'être intelligents, deviendront de plus en plus intelligents au fur et à mesure que le corps mental et le corps émotionnel s'ajustera et qu'ils seront capables d'absorber cette énergie qui est de l'énergie de l'intelligence. Attendez, soyez pas pressés, pas pressés. Parce que quand vous allez l'avoir, vous êtes obligé de vous en servir, puis quand vous allez être obligé de vous en servir, vous ne pourrez plus arrêter. Parce que l'intelligence, c'est pas ce qu'on pense. Quand vous allez commencer à travailler avec l'énergie de votre intelligence, vous allez réaliser que vous ne pouvez pas aller en Floride quand vous voulez. Tu y vas quand c'est le temps. Je vous donne une clé extrêmement importante cet après-midi sur l'entêtement. Watchez-les l'entêtement, surveillez l'impression que vous avez d'être intelligent. Et quand vous avez l'impression d'être intelligent, commencez à checker de qui vous êtes intelligent. Et commencez à détruire ce lien avec cette intelligence. Et vous allez voir que c'est un combat. Ils ne sont pas prêts à vous laisser tomber d'amène. C'est des clés de vie que je vous donne. De vie. C'est pour ça, si je retourne dans le passé puis que je parle et j'éclaire un peu sur le vampirisme et que je sais qu'il y a des gens qui ne se sentent pas encore intelligents puis qu'il y a des gens qui ont encore l'impression, qui ont l'impression d'être intelligents, je sais que les gens qui ont l'impression d'être intelligents peuvent facilement servir à l'astral pour des raisons qu'eux ne servent pas contre les gens qui ne sont pas encore assez intelligents. Watchez la bien l'affaire. Parce que moi, je watch. Je suis là qui watch. C'est écœurant. L'organisation contre l'homme. C'est écœurant, l'organisation invisible contre l'homme. C'est écœurant, c'est d'une inouïe écœuranteur. C'est inouï. Inouï. Une conférence importante aujourd'hui. Bien plus importante que vous pensez. Si vous saviez aujourd'hui ce que je peux dire, vous n'en reviendrez pas, vous non plus. Je commence à être le fun dernièrement. Je commence à parler de choses qui sont bien intéressantes dernièrement. Les dernières conférences sociales, là, c'est bien intéressant. Là, je commence à quoi, là? Je commence à être intelligent. Je commence à rentrer dedans. Je commence à rentrer dedans. C'est inouï. C'est tellement inouï que je commence à avoir l'impression de toucher du doigt l'infinité de l'intelligence. Je commence. Je suis pas encore dedans totalement. Mais je commence à avoir l'impression de toucher du doigt de l'infinité de la conscience. Puis quand je vais réellement avoir mon doigt dessus, là, sur l'infini d'intelligence, c'est là que je vais commencer à écrire mon livre. Je ne vais pas commencer avant. Mais quand je vais recommencer à... Je vais sentir suffisamment là, l'infinité de l'intelligence, c'est là que je vais écrire mon livre, que je vais mettre mon livre sur le marché mondial. Probablement en 84. J'en ai des affaires à dire. C'est inouï. L'organisation invisible contre l'homme. C'est tellement inouï que j'ai l'impression, après 13 ans, d'avoir rien dit encore. C'est tellement inouï que j'ai l'impression que tous les mots qu'on se sert dans le vocabulaire humain pour expliquer des choses peuvent être expliqués. Et leur explication peut être expliquée, et que leur explication peut être expliquée, et que l'explication peut être expliquée, jusqu'au jour où on sera forcé de passer dans l'éthérique. C'est inouï. C'est pour ça qu'en tant que genre de collectivité, ou genre d'individu, ou d'homme et de femme, qui commence à être sa même longueur d'onde, notre vie, plus elle avance, plus elle est intéressante. Parce que plus elle est fun, parce qu'on la comprend de plus en plus. Et moi, je sais qu'un homme ne peut pas penser à ça. Ça se pense pas de l'intelligence. Ça se parle, mais ça se pense pas. Ça peut pas se penser. Si vous pensez à de l'intelligence, c'est pas de l'intelligence. Ce sont des pensées créatives qui viennent de hauts plans astraux. Ça, c'est une autre clé. Si vous êtes capable de penser dans votre tête de l'intelligence, c'est pas de l'intelligence, ça vient du haut astral, puis ça vous est communiqué par télépathie avec quelqu'un là qui est en harmonie vibratoire avec vous. Ça se pense pas de l'intelligence. C'est pour ça que c'est infini. Ça se pense pas de l'intelligence, c'est pour ça que c'est infini. Ça ne peut pas se penser de l'intelligence, c'est impossible. Aussitôt que vous pensez intelligence, c'est plus d'intelligence. C'est de la personnification humaine, matérielle, de forme qui existe dans l'astral. Puis laissez-moi vous dire que dans l'astral, il y a des formes qui sont très intelligentes. Ils sont au bout. Puis c'est pas ça d'intelligent. Il n'y a pas de forme dans l'intelligent. Où il y a des formes, c'est pas d'intelligent. Il n'y a pas de forme dans l'intelligent. L'intelligence, c'est de l'énergie indifférenciée qui se canalise et qui devient vitale, qui devient vitalisante, qui devient créative au fur quand elle passe dans un centre quelconque. Là, elle sert, puis elle sert. Même l'affaire de l'ajusteur de pensée, on va vous en parler un jour. C'est au bout de l'affaire-là de l'ajusteur de pensée. Savez-vous qu'est-ce que c'est l'ajusteur de pensée? L'ajusteur de pensée... Ah, elle me dit, c'est pas le temps par la tente. L'ajusteur de pensée. Non, il ne pense pas. Ils vont me couper. C'est au bout, l'ajusteur de pensée. Pour que je vous explique qu'est-ce que c'est l'ajusteur de pensée. Il faut avant que je vous explique qu'est-ce que c'est complètement. Ça passe pas. En tout cas, on va vous en parler un jour. Mais c'est inouï. C'est inutile de vous parler de choses que vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n'avez pas la vibration pour le comprendre. C'est ça qu'il veut dire. Quand vous aurez la vibration pour le comprendre, je vous le parlerai. La vibration change, je vous parle. Dans 100 ans, on se parlera d'autres choses. Dans 200 ans, on se parlera d'autres choses. Ah. L'intelligence doit être absorbée au fur et à mesure que la vibration de l'homme change. Parce que le pouvoir de l'intelligence dans un système solaire, ou dans une galaxie, ou sur une planète, est toujours proportionnel au taux vibratoire des gens qui la reçoivent. Et comme l'intelligence est infinie, il faut que les hommes aient des taux vibratoires qui puissent absorber la vibration de cette infinité-là. Sans ça, ça crée un feedback. Ça engendre dans le mental et l'émotionnel de l'énergie et ça mène à la folie. Fait que ça nous mène nulle part. On n'est pas pour tourner l'autre bord. Mais quand je dis que c'est inouï, quand je dis que c'est inouï, je veux dire ceci. Je veux dire qu'on n'a pas commencé encore à parler et je veux dire que tout ce qu'on a dit depuis qu'on a commencé à parler, ça fait partie ça fait partie du passé de l'intelligence. Il y a le passé de l'intelligence et il y a le futur de l'intelligence. Alors, remarquez que dans l'expérience humaine, il y a le passé de l'homme et le futur de l'homme. Et dans l'intelligence, dans l'expérience cosmique, il y a le passé de l'intelligence et le futur de l'intelligence. Et quand l'homme vit vit l'intelligence, à ce moment-là, Il connaît le passé de l'intelligence. Quand l'homme parle, il connaît le futur de l'intelligence. Aussitôt qu'il l'a parlé, c'est dans le passé de l'intelligence. De sorte que le futur de l'intelligence, il est toujours présent quand l'homme parle, et le passé de l'intelligence ne doit jamais exister dans la mémoire de l'homme. C'est la condition pour que l'homme ait accès au futur de l'intelligence. S'il y a de la mémoire dans le passé de l'intelligence, à ce moment-là, elle sera de passé. Pour que l'homme perde la mémoire de l'intelligence qui a passé et pour qu'il puisse embrayer dans une autre vibration qui coïncide avec le futur de l'intelligence. S'il y a de la mémoire à ce moment-là, l'intelligence cesse de passer pour que l'homme puisse digérer ce qu'il a vécu. Alors, le phénomène de l'entêtement, c'est un phénomène humain, c'est un phénomène planétaire. C'est un phénomène qui, s'il y a intelligence avec entêtement, parce qu'il y a des gens qui sont entêtés, mais il n'y a pas d'intelligence. Mais là où il y a intelligence avec l'entêtement, c'est là que vous fassiez attention. Quand il n'y a pas d'intelligence avec l'entêtement, c'est parce que les gens qui sont entêtés sont en contact avec des intelligences sur les autres plans qui ne sont pas très évolués. Mais s'il y a de l'intelligence avec l'entêtement, à ce moment-là, il faut faire attention parce que c'est plus dangereux, parce qu'on peut plus facilement avoir l'impression d'être intelligent. Et aussitôt qu'on a l'impression d'être intelligent, on se coupe de l'énergie de l'intelligence. Et automatiquement, on ne vit pas de l'énergie de l'intelligence dans le mental, l'émotionnel, le vital et le physique. Éventuellement, on meurt. C'est très important pour nous, les hommes, de comprendre que nous ne sommes pas des hommes, que nous sommes les valets de la mémoire, que nous sommes des valets d'entités sur d'autres plans, que nous ne sommes pas des hommes. Très important. Et si on ne réalise pas que nous sommes des valets d'autres intelligences, à ce moment-là, nous ne sommes pas capables de canaliser sur le plan humain cette énergie de l'intelligence qui fait que tout ce qu'on fait, c'est parfait. Tout ce qu'on fait est créatif. Tout ce qu'on fait sert. Tout ce qu'on fait construit. Tout ce qu'on fait crée. Tout ce qu'on fait permet un déplacement sur le plan matériel, d'une énergie qui devient de plus en plus forte et qui éventuellement mènera à une nouvelle civilisation dans des conditions qui nous sont cachées aujourd'hui. C'est bien intéressant de comprendre tout de l'homme. C'est merveilleux de comprendre tout de l'homme. L'homme a la chance, pour la première fois depuis sa descente dans la matière, de comprendre tout. Et l'homme doit comprendre tout. Et on doit comprendre tout. Mais il y a un temps pour chaque chose. Petit train va loin. Donc, si vous n'êtes pas capable de sentir votre intelligence, c'est parce que ce n'est pas le temps. Si vous la sentez et que vous avez l'impression de l'être, faites attention. Ce n'est pas la longueur des conférences qui compte. Bonjour.